que Jacob nous chanterons. Alléluia, un jour. Seigneur, affermis-moi pour que un jour j'hérite ton royaume. Je chanterai avec les anges là-haut dans les cieux. Un jour, Seigneur, un jour, Seigneur, oh Seigneur, là-haut des cieux, je veux voir ton royaume. Un jour, Seigneur, là-haut des cieux, bien-aimé dans le Seigneur, acclamons le roi des rois, car il est digne de nos ovations. Habitant de la terre, glorifiant le bon berger, car il est digne d'être exalté. Un jour, Seigneur, là-haut plus haut des cieux. Un jour, Seigneur, là-haut plus haut des cieux. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Sortons de toutes sortes de distractions inoculées par Satan et attachons-nous à la vérité. Courons de manière à remporter la couronne incorruptible. Ce jour-là, dans la Jérusalem céleste, là où sa gloire éclaire la ville, revêtus de vêtements blancs, nous serons tous assis auprès de Christ. Sur son trône de grâce. Les 24 vieillards, nous t'exalterons, nous danserons dans la joie.